Voici, reliés par des résumés empruntés à la toile, de larges extraits de la première partie du roman que Stendhal écrivit à 9 mois et demi et publia en 1839, La Chartreuse de Parme.